soir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika à partir de 19h jusqu'à 22h. On est ensemble pour 3h. Et comme vous le savez, dans l'émission Mavrika, on a l'habitude de recevoir des invités. Ils sont là dans les studios, ils sont en train de s'installer parce qu'il y aura du live ce soir. Ils sont trois, c'est le groupe Duke. Depuis le début de l'émission numéro 521, puisque c'est la 520e édition de Mavrika ce soir, nous sommes le vendredi 30 septembre et on a commencé cette émission avec Joseph César, The Paint of Love. Alors Joseph, c'est un artiste portugais qui vit à Paris et qui est venu déjà une fois sur Orléans pour faire un concert. Et il est à la recherche justement d'un endroit pour pouvoir jouer. Donc si vous êtes propriétaire de bar, si vous êtes intéressé par Joseph, alors Joseph, lui, vous fait un show à lui tout seul. Hein. En plus, souvent, il est quand même accompagné avec d'autres personnes. Joseph César, donc, a débuté cette émission avec un morceau qui s'appelle The Paint of Love. Et c'est la version remix hein, par son ami Moto Mitsu. Voilà. Juste après, on a écouté un groupe qui était chez nous il y a quelques semaines, voilà, quelques mois déjà, hein, ça commence à dater, mais enfin, on est bien content de les avoir reçus puisque c'est un groupe qui fait de la musique bien particulière, de la musique électronique. Le groupe s'appelle Roraima et le morceau qu'on écoutait s'appelle Monolith. On a continué avec un autre groupe qu'on aime beaucoup, hein, qu'on a l'habitude de rencontrer assez souvent. Le groupe s'appelle Red Daff et le morceau qu'on écoutait, c'est le même titre que leur dernier album. Ça s'appelle Faune. Juste après, c'était les Burning Head avec All Set to Glow. Et à l'instant, c'était le groupe Ivar, un groupe de la région de Bordeaux, qui actuellement, si je me trompe pas, j'ai vu ça quelque part, ils sont en tournée scandinave. Ils sont dans les pays scandinaves en train de faire donc leur tournée européenne, le groupe Ivar. Et on a écouté un morceau qui s'appelle Omarian. Voilà, on est dans l'émission Mavrika. Je vous l'ai dit, nos invités sont ici. Ils sont en train de s'installer. Ils ont amené leurs instruments. Il y a eu les petits amplis, tout ce qu'il faut pour nous faire de la bonne musique en direct live. Ils en ont prévu plusieurs. Ils sont déjà venus il y a quelques semaines. On va retrouver la date exactement pour vous dire quand est-ce qu'ils étaient venus. Parce que nous, tout est archivé hein, chez nous. On sait tout. Donc, l'émission numéro 521 aujourd'hui. Et donc, on va chercher quelle était leur première fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Justement, tout à l'heure, on avait parlé aussi avec Manuel de plusieurs choses. Voilà, je m'approche tout à l'heure, justement, il faisait un appel parce que nous sommes une radio associative et dans une radio associative, justement, on a besoin de gens qui nous aident. Donc, on a besoin de bénévoles pour les fêtes, on a besoin de bénévoles pour nous-mêmes. Nous sommes tous bénévoles dans l'émission Mavrika et dans l'association IOTA aussi. Donc, voilà, il faut savoir que tous les animateurs qu'on écoutait sur Radio Arc-en-Ciel, bah, ils font ça pour leur plaisir et pour le plaisir des autres artistes. Et si ça vous fait vraiment plaisir de nous écouter et vous avez envie de continuer à aider cette radio, et bien pourquoi ne pas devenir adhérent? C'est important d'être adhérent parce qu'une association est faite d'adhérents. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et justement, Manuel, tout à l'heure, voulez-vous donner le numéro de téléphone? Alors, téléphone de l'administratif. Si vous avez envie d'être adhérent, vous pouvez nous téléphoner au 02 38 43 50 09. 02 38 43 50 09. Et puis, bienvenue dans l'équipe, hein, bienvenue dans la famille de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on va donner le top départ pour l'émission Mavrika. Juste après, on écoute Orpheum Black avec Midnight et Angéline Anonier, qui était notre dernière invitée il y a 15 jours, avec le morceau Shanghai. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Come from Potter's marketplace. The crowd hurrying step by step. Many bags and water carriers and tuk-tuk. A train of thoughts traverse through my imagination. I hop off at the station. Railway takes me far beyond the Yonsei-gyon. D'écouter Angéline Anonier. Donc, pour ceux qui n'avaient pas écouté cette émission, elle est disponible. Les podcasts de l'émission Mavrika sont, vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous avez justement sur le mur, vous remontez un petit peu le temps, vous avez à chaque fois le podcast de l'émission précédente. Donc, vous pouvez toujours la réécouter. Et Angéline, donc, c'était la première fois qu'elle venait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est une personne qui avait accompagné Johnny Hallyday à son temps. Hein, donc, vraiment une choriste avec une très belle voix. Et puis pas que Johnny Hallyday, il y avait aussi Bernard Lavilliers, il y avait aussi Michel Sardou, donc des gens qu'elle a rencontrés tout au long de sa carrière. Et aujourd'hui, elle fait une carrière solo. Et je peux vous dire que le disque qu'elle nous a laissé, moi je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir. C'est super bien enregistré. Elle a une superbe voix et en plus elle reprend plein de morceaux de Tina Turner. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel puisque nos invités sont là et on va commencer à discuter un petit peu puisque là je peux vous dire qu'on était en train de faire des câblages, en train de faire tout pour que le son soit le meilleur possible pour les lives tout à l'heure puisque le groupe Duke est avec nous. Bonsoir le groupe Duke. Bonsoir. Tout le monde va bien? Ouais. Ouais. Voilà, donc on était un petit peu sur les branchements, on essaie de faire un petit peu les balances pendant qu'on diffuse de la bonne musique hein, sur Radio Arc-en-Ciel. Et le groupe Doug, alors j'ai regardé ça tout à l'heure, parce que moi je fais des recherches, on fait tout en même temps ici dans l'émission Mavrica, et on fait tout un petit peu à l'arrache en même temps. On se demandait quand est-ce qu'on était venu. C'était le 10 janvier 2020. Ça commence à remonter, hein, c'était il y a 2 ans et quelques, hein, puisqu'on est à la fin de l'année 2022, et c'était donc au début. Et c'était l'émission numéro 437. Donc voilà. Le groupe Doug était venu. Et le groupe Doug était venu à l'époque. Vous étiez en. C'était déjà un trio, mais vous étiez venu à deux ce moment-là. Et puis. 437, c'est bien, hein, comme on arrive de l'Indre-et-Loire. Ouais, il y a le 37 dedans. Donc vous avez fait un petit peu de route pour venir nous rejoindre ici. On s'était retrouvés justement pour préparer cette émission-là. On s'était retrouvés au Broken'Roll. Ouais. Voilà, un bon moment. Hein. Voilà, c'est à Talcy. C'est l'association Red Dave qui organise ça tous les ans, et à chaque fois c'est un plaisir. Ouais, c'est des concerts, et c'est plein de gens qu'on rencontre, plein de musiciens. C'est l'occasion aussi de se débarrasser de toutes les vieilleries, par exemple des vieilleries, qui peuvent encore servir, justement. Encore en bon état, c'est-à-dire que les musiciens qui ont envie de changer leur guitare. Se débarrasser des musiciens, tu veux dire? Non, parce que c'est non, c'est pas ça que je voulais dire. Les musiciens peuvent se débarrasser de leurs instruments. Voilà. Par exemple, ils ont des instruments, ils ont envie de les changer, ils peuvent les vendre. Ouais. Et en racheter d'autres. Il y a tout par rapport à la musique. Hein. Donc il y avait des CD, plein de choses comme ça. Et il y avait aussi trois concerts. Hein, concerts. Parce qu'ils font pas les choses à moitié, les Red Daff. Jolie, une belle scène en plus. Ouais, une belle scène en extérieur. Les photos, tiens, j'ai fini de les poster tout à l'heure parce que j'ai eu des petits soucis. J'ai réussi quand même à récupérer toutes les photos parce que vous savez, on a une carte mémoire dans laquelle on prend toutes les photos. On transfère ça dans un disque dur et le disque dur, poum, lâche. Donc le problème c'est que la carte SD, on l'a effacée aussi. Et donc heureusement il existe quelques logiciels qui nous permettent de récupérer. Donc j'ai réussi à récupérer les photos sur la carte SD parce que le disque dur lui il est... Tout l'intérêt de faire des sauvegardes. Voilà, ouais, mais le problème c'est que justement on le passe, on vient juste de le faire. Et c'est au moment où je le faisais d'ailleurs. Ah. Hein, donc ça a été... si je peux donner un conseil aux gens aussi, c'est quand on fait ça, il vaut mieux faire copier-coller. Et n'effacer que quand c'est bien passé. C'est ça. Et on fait un coupé-collé en plein milieu. Plomb, là, c'est terminé. Hein, et c'est ce qu'il dit. Non. Couper, faut pas. Faut pas. Il faut toujours préserver les deux pendant un certain temps. Et puis même le copier ailleurs après, avant d'effacer l'autre. Donc, mais le problème, c'est que bon, des fois, ça arrive comme ça. On s'y attend vraiment pas. Et donc, les photos, il y avait plusieurs groupes. Vous vous souvenez de tous les groupes? Il y avait les Dirty. Je me souviens plus exactement. Bon, voilà. Alors, il y avait Gaume, Dr. Drell et The Dirty Boys. Voilà. Ouais. C'était eux qui avaient commencé. Et donc, avec la musique blues. C'était super, super agréable. Ouais. On revenait aux origines du blues et il y avait pas que du blues. Il y avait aussi du rock and roll. Il y avait aussi des morceaux qui étaient repris à la façon blues. Mais bon, j'ai trouvé ça super bien. Ensuite, il y avait Rolling June. Rolling June. Donc, Ça, c'était sympa, il y avait des cuivres. Un des plus grands groupes de soul de la région, franchement, quelque chose de magnifique. Mimi comme tout. Très puis une ensuite. Belle voix, en plus, la chanteuse a une très belle voix, et c'est vrai qu'avec les cuivres, ça. Moi, j'ai adoré aussi le fait qu'il y a des cuivres, et puis on revient un petit peu dans les années 60, 50, même carrément. Là, avec le début, c'est l'origine de la musique d'aujourd'hui, hein, quand on va dans la musique pour danser, tout ça. Et tous les morceaux qu'ils ont diffusés, finalement, on les connaît tous, c'est des standards. Donc, franchement, un super groupe, hein, avec des cuivres, avec des musiciens fantastiques. Et ensuite, il y avait Gaume. Donc Gaume, que j'ai eu l'occasion de voir il y a déjà quelques années. Je l'ai retrouvé là-bas et toujours un plaisir parce que là c'est du pro, c'est vraiment quelque chose de super carré et avec un style bien à lui. Hein. Ah oui, c'est vraiment c'est du Gaume quoi. C'est ça. Voilà, donc ça on voit. Ça on voit et donc j'ai pu il y a 3 séries de photos qui sont sur le Facebook de l'émission Mavrica. Vous pouvez aussi les retrouver sur Mavrica photo de concert et il y a justement les photos. Je viens de poster celui de Gaume, donc avec des photos que j'ai fait donc à cette occasion. Et il y avait aussi les 2 autres groupes, si vous remontez un petit peu le cours du temps, sur le mur de Facebook. Voilà, c'était bien de le dire. Et à cette occasion, on s'est donc rencontrés, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on refasse une mission avec Doug. Surtout qu'en plus, on a malheureusement tous été un peu bloqués, en 2020, assez rapidement après. Ah oui, c'est ça. Hein. Et que du coup, le Maverick Alive qui devait avoir lieu, bah, il a été... Voilà, parce que vous étiez à l'affiche du Maverick Alive. C'est ça. Alors, le Maverick Alive, c'est pareil, tout le monde me demande quand est-ce qu'on relance ça. Il y a beaucoup de petits soucis, c'est-à-dire au niveau technique, c'est-à-dire que la salle, on ne l'a pas réservée en temps et en heure. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore le Covid. On ne voulait pas se lancer à réorganiser un Maverick Alive pour l'annuler une fois de plus. Donc, on a attendu vraiment que ça passe. Maintenant, c'est possible, mais les salles ne sont plus libres. Et les salles, il y a aussi des conditions qui ont changé, donc il faut qu'on essaye de voir, parce que là, on a des petits soucis. Voilà, simplement. C'est une question de temps. Nous, on a plein de bonne volonté, mais après, les choses se font pas comme on voudrait. Mais si on peut le faire, ben, on relancera ça, parce que vous étiez là pour faire les interplateaux. Les interplateaux. Voilà, moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, il y a des gens qui jouent sur une scène, et vous avez votre matériel, votre petite sono, comme vous avez apporté ce soir, et vous jouez pendant que les autres préparent. Voilà, comme ça, il n'y a pas de vide, et puis les gens peuvent boire un petit coup en vous écoutant. Voilà. Ouais, bah à l'automne peut-être, on sait pas. Ouais, on va essayer de voir. Le problème c'est à l'automne on aimerait bien, mais le problème c'est on se demande si on pourra les faire même en 2023. Donc sera peut-être 2024. On va voir. Et après si c'est pas la même, on va essayer de se débrouiller. Si on peut pas voir la même salle, essayer de le faire ailleurs. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais on aimerait bien faire quelque chose au mois de, peut-être au mois de juin. On va voir, ou peut-être à la rentrée. On va voir. En tout cas, on n'a pas lâché l'affaire. L'association Mavrica est toujours là, et puis donc il faut réveiller un petit peu tous les gens, parce que bon, après quelques années de sommeil, il va falloir un petit peu revenir. Oui. Le groupe Duke, donc il est composé de trois membres. Alors. On a entendu deux voix là pour l'instant. On va commencer Il n'ose pas parler. Non, mais on va le présenter après. Sinon, on va faire là. Ça. Voilà, c'est le petit jeune. Il y a déjà donc la première voix qu'on a entendue, la voix grave. Donc c'est Claude. Et oui. Voilà Claude qui est à l'origine du groupe Duke. Hein. Je crois c'est ça que tu m'as dit. Ouais. C'était au début, tu voulais faire quelque chose. Bon, t'as joué avec plein de groupes, t'as beaucoup de styles différents. Même tu m'avais parlé de punk et tout ça. Du hard rock, on disait. Du hard rock, c'était dans les années 70. Ouais. Après, il y a eu de la fusion, ce qu'on appelait du jazz rock aussi, un petit peu là à Tours. Ça, c'était les 90, parce qu'il y a eu un creux de la vague dans les années 80, quoi. J'écoutais les autres et puis je m'amusais avec des synthétiseurs. C'était la grande époque des synthétiseurs. Ah bah ouais, c'est le j'avais laissé tomber un peu mon instrument de prédilection, la guitare, mais voilà. Et puis on avait essayé de monter un duo avec une copine et puis c'était pas facile. Et un jour j'ai dit à mon épouse qui chantait bien dans la douche, sous la douche, je lui dis écoute, tu vas chanter. Et voilà, c'est comme ça que Brigitte a accepté de se mettre à chanter. Et puis c'est pratique d'avoir tout à la maison, comme ça vous êtes pour les répétitions, tous les deux. C'est pas mal. Ouais. Donc Brigitte, on l'appelle Doudou aussi. Oui, voilà. Du coup, ça me fait drôle de l'entendre dire Brigitte. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour être officiel. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc Brigitte. Ouais. Et à l'époque, vous aviez aussi un percussionniste qui n'était pas venu, mais qui était aussi de la famille. Oui, qui était Alexandre, qui est toujours notre fils. Toujours notre fils aîné. Ouais, qui est débordé et qui a du mal à pouvoir se libérer. Donc il travaille en déplacement et un peu partout. Donc c'est vrai que ça devenait difficile pour lui, surtout qu'il y a beaucoup beaucoup quand même de concerts qui se font le vendredi soir. Ouais. En fin de compte, si on regarde sur le nombre de concerts qu'on a fait, majoritairement c'est le vendredi soir. Donc c'est vrai qu'après une semaine de boulot, c'est pas évident. Donc bon voilà. Et puis, on en a trouvé un autre percussionniste. Un autre, et il est là ce soir. Et qui est là ce soir, du coup. Bonsoir. Un petit jeune. Un petit jeune, voilà, c'est ça. Ah, il est loin, je suis là. Ah, voilà. C'est au niveau du son, je n'entendais pas, donc. Si, voilà. Non, mais en fait, je n'ai pas une voix puissante. Voilà, mais c'est bon, c'est aussi à moi de réajuster les potentiomètres. Et celui-là, effectivement, le gain était un peu plus faible, donc on explique comme ça. Et voilà, non, donc on accueille Christophe. Christophe, ouais. Et voilà. Christophe, donc le nouveau percussionniste du groupe Duke. Oui, c'est ça, percussion. Voilà. Alors toi, Christophe, tu viens d'où? Tu joues de la percussion déjà depuis pas mal de temps. Et tu m'avais expliqué aussi, hors antenne tout à l'heure, qu'on s'est présenté, que tu viens de la samba. Carrément. Et oui, je suis tombé dedans quand j'avais 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc ça fait plus de 40 ans. Ça fait 40 ans, ouais, 17 ans, ouais, 40 ans que je suis dans la musique brésilienne. Dans les percussions, j'ai essayé de jouer de la boîte à ficelle comme Claude, mais ça n'a pas bien marché. Ouais. Donc, du coup, j'ai essayé de la boîte à clous, ça marche pas mal. Donc, je fais de la percussion en tout genre. Voilà. Et donc, là, je suis là pour accompagner mes copains de chez Look. Voilà. Donc, je suis venu avec une formation réduite pour le volume. Ah, mais c'est toujours l'esprit, en fait. C'est-à-dire que. Jouer avec un batteur, nous, on ne peut pas, quoi, parce qu'il faudrait, à ce moment-là, ajouter un bassiste, et puis des cuivres, et des choristes, mais, un clavier. C'est le côté aussi intimiste, vous ouais. pouvez jouer ici à la radio, parce ouais. que des fois, la complication, c'est justement que des groupes jouent en électrique amplifié, donc quand ils arrivent dans les studios, ils disent « ouais, mais comment on peut faire ?» parce qu'on a l'habitude de jouer fort, et ouais, c'est ouais. un peu compliqué, alors que là... Mais y compris dans des petits lieux où ouais, on joue, les bars, les petits bars, les petits restos. Parfois, on avait un emplacement, une fois, dans un restaurant, on avait un emplacement, on était vraiment trois sur 3 mètres carrés, non ? Oui, à peine. Ceci, à peine. Ceci dit, le week-end dernier, c'était pas mal aussi, on était quand même. C'est vrai. On était serrés. On était serrés. Mais on n'avait pas froid. C'est bien. C'est bien, c'est très intimiste comme ça. Voilà, c'est... Christophe est aussi un percussionniste un peu inventif. Il utilise plein de, on va dire, pas obligatoirement du matériel très conventionnel aussi, c'est vrai. Non, oui, ça c'est sûr. C'est... Bah, la musique brésilienne, déjà, à l'origine, quand il ouais. y a l'assiette et tout ça, on tape oui. sur une assiette tout simplement. Frigidaire. Ouais. Et comment ça s'appelle tout à l'heure je cherchais aussi le nom. On parlait tout à l'heure de la boîte à comment tu appelais la guitare, la boîte à cordes. La ficelle. La boîte à ficelle. Ouais. Et il y a un instrument aussi brésilien où il y a juste une caisse de résonance. Ouais, berimbau. Oh, berimbau. Voilà, je cherchais le nom. Mmh. Tout à fait. Donc, ça, c'est pas particulier. C'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément. Il n'y a qu'une corde. Mmh. Et on l'attend plus ou moins de manière à avoir. Moi, je connaissais par rapport à la chanson de Nougaro, quoi. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Oh, berimbau. Mais c'est tout. Le... Là, comme ça, les gens, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas, ça. C'est ça. Donc, tous les instruments brésiliens, il faut savoir qu'à l'origine, c'est quand même un mélange. Et puis, c'est apparu un petit peu comme le blues aux États-Unis. C'est un peu les esclaves qui ont été apportés par les Portugais au Brésil. Voilà, donc c'est des origines africaines, qui se sont mélangées avec d'autres choses. Hein, parce que le Brésil, en plus, c'est un pays très métissé où il y a plein de... influences différentes. Hein. Il faut savoir, il y a des gens qui sont venus d'Asie, des gens qui sont venus d'Afrique, des gens qui sont venus d'Europe, et tout ça, c'est mélangé. Bon, peut-être pas comme on voudrait, parce qu'il y a quand même certains qui dominent par rapport à d'autres, hein, comme aux États-Unis, hein, comme dans d'autres pays. Mais bon, il y a quand même ce melting pot qui a permis de faire une musique vraiment particulière, le très riche. Brésil. Voilà. Là, il y a le samba, la bossa, plein de choses différentes, quoi. Exactement. Ça fait 20 fois la France, hein, la surface. Oui. Donc, les influences entre le Nord-Est et dans le Sud, où on va rajouter les accordéons, où on va annoncer les caboclinhos, on va monter sur le Nord-Est, on va avoir d'autres musiques. On va aller avec sur le petit accordéon là tout petit, là, voilà, je ne sais pas comment ils appellent ça, il y a sûrement un nom. Voilà, et j'ai oublié le nom. Je l'ai dans la tête, je l'ai zappé. Oui, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont mélangés. En fait, c'est toutes les cultures qui sont mélangées, en fait. Qui ont apporté chacune leur petit morceau. Et ce qui a fait la richesse et la diversité de cette musique. Oui, parce que j'ai oublié quelque chose aussi. C'est qu'à l'origine, au Brésil, il y avait déjà aussi des Indiens. Donc, il y a eu aussi le mélange avec les gens de là-bas. Et puis après, ils avaient apporté aussi des esclaves qui venaient d'Asie, je crois. Mais ça n'avait pas tellement marché. Ils ont amené des Africains. Après, on sait très bien l'histoire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, heureusement... C'est complètement aboli, heureusement, mais malheureusement, il y a encore l'esclavage qui existe dans d'autres pays. Hein, voilà. Donc à l'époque, c'était comme ça, mais ça a permis justement de la naissance de plein de musiques qui n'auraient pas été là si l'histoire n'avait pas été celle-ci. Voilà. Donc c'est un peu. On parlait aussi du blues aux États-Unis, ces musiques qui ont été mélangées, qui ont donné aujourd'hui les musiques actuelles, hein, qui sont revenues en Europe après. On parlait aussi du blues qui était revenu en Afrique aussi, parce qu'en Afrique aussi, on a repris le blues. C'est des Africains qui l'ont emmené aux États-Unis, il est revenu en Afrique où il continue d'évoluer. Et voilà, il y a plein d'influences différentes. Voilà. Et donc, le groupe Duc, c'est de la musique française, en français. Alors, je ne sais pas si on peut dire musique française, parce qu'en fait, il y a plein d'influences. Et plein d'influences. Voilà, on a plein de musicalement, ça voyage. Hein, mais par contre, tous les textes sont en français. Ouais. Ouais, les textes sont en français et après c'est pareil. Je disais chansons françaises parce que bon, les textes sont en français, mais après c'est vrai que les influences sont très nombreuses et on va dire c'est du doux comme on l'a dit tout à l'heure, c'était du gomme quoi. Ouais. C'est-à-dire que vous avez votre style à vous et vous le mettez en valeur justement et il y aura plusieurs morceaux qui vont être interprétés en direct live tout à l'heure. Ah ouais ouais. Voilà. Et moi j'aime bien le, enfin on nous cataloguait un petit peu, on essaye de mettre les groupes dans des petites boîte et puis bon on nous mettait souvent dans le blues mais on fait pas que du blues et puis un jour on a dit tiens c'est de la variété et je trouve que c'est bien et c'est pas péjoratif parce que ça a été un petit peu avant, galvaudé la variété c'est qu'on savait pas où le classer c'est de la variété c'est dans la variété mais en vérité il y avait de tout des artistes qui sont capables de faire plein de choses ils font aussi de la variété ils font plein de choses variées donc là il faut je pense que c'est quelque chose qui s'applique bien ça, c'est ça. Mais dans le vrai sens du terme Très bien, donc la musique variée. Avec les influences d'Henri Salvador et tout ça. Donc, on a trop vu les émissions de Salvador et puis des Carpentiers et tout ça. Ouais, et puis Henri Salvador, c'est pareil, on parlait tout à l'heure de Bossa Nova. Et bon, il y a les Brésiliens vont dire que c'est une musique typiquement brésilienne et ceci, cela. C'est lui qui l'a ralenti. Mais à l'origine, il y a une autre version qui dit que c'était Henri Salvador qui l'avait un peu inventé cette musique-là. On l'a ralenti. En ralentissant la samba, La samba, ouais. Je pense que c'est vrai. Et donc, je pense qu'ils se sont influencés les uns les autres. Je sais pas la vraie histoire. Chacun va essayer de la ramener à son truc. Mais bon, après dire aux Brésiliens que c'est un Français qui l'a inventé, ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc on comprend qu'il. Ah, oui, mais bon. Après mais tout, bon. Le tango. Oui, plein de choses comme ça. Carlos Gardel, c'est quand même un Français, quoi. Ouais, mais voilà. Donc après, il faut dire, c'est justement des influences d'ailleurs qui se sont développées à un endroit précis à un moment et puis qui a fait le. Mais bon. Puis ça continue de bouger, de brasser, c'est ça qui est bien dans la musique. Mmh. Et c'est vrai que la musique sud-américaine est très riche et nous, on connaît pas forcément bien. Il y a tellement de musiques différentes et nous, en Europe, on commence à découvrir avec un peu les musiques latino qui sont un petit peu en vogue actuellement, mais pendant un long moment, ils faisaient leur musique de leur côté, nous, on faisait notre musique de notre côté. Et là, il y a encore des mélanges à faire, il y a encore des choses à. C'est vrai que ça revient à la mode, mais ça revient à la mode par la danse, en fin de compte. Oui, puisque. C'est ça, en fin de compte. Maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de clubs de danse, en fin de compte, qui se sont lancés dans toutes ces danses latino. Il y a la cumbia, la salsa, et la samba aussi. Il ne faut pas oublier. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup partout à la mode. Il y a beaucoup, d'ailleurs, il y a des. Bon, les guinguettes, là, elles vont progressivement fermer, mais il y a beaucoup de guinguettes cet été, je voyais, qui faisaient, en fin de compte, soirée cumba, soirée danse. Cumbia. Et ça marche bien. Ça marche bien. Voilà, et puis on dit aussi que les guinguettes, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps. On dit les guinguettes, c'est un peu oublié, c'est un petit peu. Mais je pense que non. L'accordéon, moi, vraie guinguette avec l'accordéon. La java, la musette, voilà, c'était ça à l'origine. Le jazz aussi a beaucoup apporté à une certaine époque et tout ça. Mais je crois que. On avait peut-être passé ça dans les oubliettes en disant voilà c'est fini la génération va disparaître et finalement non il y a des jeunes qui jouent de l'accordéon et puis moi je trouve que c'est super de continuer à faire vivre la musique quoi parce que la musique elle a pas d'âge finalement il suffit qu'il y ait des jeunes qui la reprennent et puis ça continue voilà comme les groupes de bal on pensait que ça allait que c'était mort apparemment ça allait être remplacé par les DJ et en fin de compte non les guinguettes continuent de faire vivre en fin de compte la musique live, la musique vivante, des groupes d'orchestre. Alors je sais pas là sur la région d'Orléans s'il y a des grosses guinguettes, mais en tout cas sur Tours, il y a des guinguettes sur Tours, sur Amboise, c'est des guinguettes qui fonctionnent tous les week-ends et c'est blindé, c'est vraiment et de tous les âges. En fin de compte. C'est ça qui est bien. La musique, elle doit réussir à réunir justement toutes les générations. Voilà. On parlait de Johnny Hallyday dans les émissions précédentes. Et c'est vrai que Johnny, lui, il a réussi à rassembler. Quand on va à un concert de Johnny, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et puis, bon, il a quand même au moins trois générations qui se suivent parce qu'il a fait une carrière très longue. Donc voilà, la musique, ça doit nous rassembler. Ouais. Voilà. Non, c'est, voilà. Et puis, alors pour en revenir à Doux, ce que Claude n'a pas dit aussi, c'est que ça fait 10 ans cette année quand même. Donc du coup, Doux existe. Je voulais pas parce que ça nous rajeunit pas. Mais on tient bon. Non, mais 10 ans, donc vous avez commencé très jeune, là. C'est ça. Voilà, toute une manière de... Non, mais ça fait déjà 10 ans, bon, et ça, c'est bien, bon, ça tourne encore. Ouais, tu dis ça parce qu'en plus, oui. Juste au titre, parce qu'on voit des groupes qui s'arrêtent, là, notamment... Il y en a deux dans le Loir-et-Cher, là, qui... On a appris qu'il arrêtait. Un groupe qu'on a reçu ici, qui a participé à Maverick Live, le Goodbye Watson, voilà, c'est terminé. Ça a été. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on peut. Je comprends, hein, parce que même moi, j'avais des doutes un peu pour continuer, mais. C'est pas évident. Hein, il y a une forme de lassitude. Puis, ce qui se passe, c'est que ça devient compliqué. Il y a même des. Maintenant, il y a des groupes qui arrêtent, mais il y a aussi des lieux, des petits lieux de concert qui ferment. Les associations aussi qui sont en difficulté. Ça fait un peu de bazar là-dedans. Hein. Mmh. Et puis, même au niveau. On parle pour les musiciens amateurs et tout ça. Même pour les professionnels, ça devient compliqué, très compliqué. Encore plus compliqué, même peut-être. Voilà, parce qu'eux, ils vivent de ça. Donc l'avantage d'être amateur, c'est que si on a un travail à côté, on peut toujours. C'est une passion. On peut même mettre un petit peu d'argent dedans pour que ça fonctionne parce que c'est notre loisir, mais les gens qui vivent de ça, c'est compliqué, hein. C'est vrai que Alors les lieux, c'est vrai que les lieux pour arriver, bon, moi je m'occupe, enfin j'essaye de, c'est moi qui m'occupe un peu de prospecter les lieux, de les contacter, je trouve que ça devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus difficile. On a très peu de réponses, très peu de réponses. On a beau envoyer des mails, Alors bon, je comprends aussi. Les lieux sont hyper sollicités, donc je comprends qu'ils aient du mal à répondre. Mais bon, ça devient difficile. Mmh. Alors bien sûr, on rêve tous de jouer dans des festivals. Hein. On a envie. Bon, il y en a des plus ou moins gros, mais là c'est pareil. Bon, comme ils veulent pouvoir rentabiliser quand même. Ils font venir des grosses vedettes, des têtes d'affiche, on va dire, et puis les groupes locaux, ils jouent pas, quoi. Et puis les associations aussi qui s'occupent justement de ces festivals là, depuis des années, ils ont du mal là, après le Covid. Apparemment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire le. Il faut vraiment qu'ils aient leur local rempli à 98% pour que ce soit tout juste rentable. Et donc après, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Donc il y en a beaucoup qui vont s'arrêter parce qu'ils ne vont pas continuer comme ça. Ouais, ça. Ils vont pas payer non plus pour faire jouer des groupes et puis mettre de l'argent sans arrêt. Non, c'est pas possible. Il faut qu'au moins on gagne assez d'argent pour pouvoir continuer à faire les événements. C'est le principe même de l'association. Bien sûr. Donc voilà. On encourage tous les gens qui tiennent le coup à continuer parce que ça c'est important. Voilà, et puis on en connaît pas mal d'associations autour de nous. À venir et puis dans les lieux qui donnent du mal pour organiser les choses, à aller écouter tous les concerts possibles pour faire vivre la musique, parce que c'est vrai que là du coup ça devient difficile. Et on peut comprendre qu'il y ait des groupes qui s'arrêtent parce que parce que eux ils veulent tourner, ils peuvent plus, ça devient compliqué, tout le monde se lasse et au bout d'un moment le plaisir n'est plus là, c'est un petit peu dommage. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et plus les groupes sont importants par le nombre de musiciens, plus c'est difficile aussi. Parce que... Oui, on voit beaucoup de formations où ils sont plusieurs et ils ont aussi des formations restreintes pour pouvoir jouer dans des petits endroits ou alors parce que tout le monde n'est pas disponible en même temps. Donc, c'est pas évident de réunir tout le monde. Mmh. Et je vois par exemple les groupes qui sont 5 ou 6 ou 7 même, ou 8. Oh, des fois, on les voit, il en manque un, il manque un tel. Il en manque toujours un. Voilà, parce que c'est pas évident de voir tout le monde, quoi. Voilà. Alors Claude et moi, ça va, on peut répéter. Vous pouvez répéter à la maison, le matériel est sur place. C'est ça. Bon, on arrive à choper Christophe de temps en temps aussi, quand même, pour répéter. On lui envoie des fichiers musicaux, des M&M's. Des fichiers, des M&M's. Des M&M's. avec la cacahuète au milieu. Donc bon, ça va, à 3 ça va encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque formidable où on peut travailler un petit peu à distance aussi, pour répéter. Donc c'est voilà, vous envoyez des fichiers, des enregistrements que vous faites, vous les envoyez. Le musicien de l'autre côté, il va pouvoir répéter, mais ça ne remplace pas plus une rencontre et tout ça. C'est fait pour ça d'ailleurs. Mmh. Oui. Voilà. Très bien. Donc, le groupe Douk est notre invité ce soir. Il y aura des morceaux en live. Et ce qu'on va faire, on va écouter un petit peu de musique. Et puis, je vais chercher aussi un petit morceau de Douk, hein, parce que on a l'album ici. Il n'est pas encore calé. S'il doit être calé quelque part, mais je vais vous envoyer un premier morceau. Donc, comme il y aura du live, eh ben, on va écouter un morceau en live qui a été enregistré il y a quelque temps. Je regarde le numéro de l'émission, hein, parce que c'est notre ami Mourad qui était venu dans l'émission numéro 497, voilà, était venu et il nous interprétait une chanson. Ça a été enregistré ici dans les studios, hein, donc il est venu avec sa guitare, il a interprété ce morceau-là. Et le morceau s'appelle « Ta vie de garçon ». Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que j'essaie de voir toutes les choses. Et puis juste après, on envoie un petit morceau de Douk. Comme ça, on parle du groupe depuis tout à l'heure. Pour les gens qui ne le connaissent pas encore, ça sera l'occasion de découvrir le groupe qui est là ce soir et qui va jouer des morceaux en direct live. Okay. J'ai vu mon pote en arrivant. L'ambiance n'était pas légère, cette forte odeur qui te prend, celle des souvenirs qu'on macère. À peine passé quelques minutes, je dirais même que ça sent fort. Rester chez toi est une lutte, c'est pas possible, t'as un rapport. Je suis venu pour t'épauler. Cette lourde page, tu dois tourner. Comme l'enterrement était une fête, comme le veut la tradition, allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Depuis que Chantal est partie, je te vois bien te dégrader. Tu ne t'habilles qu'en panzeri. Faudrait penser à te laver. Allez, viens donc, on va sortir. Comme avant, rentrer à pas d'heure. Pour arriver à rebondir. Retrouver ton teint, ta fraîcheur. Arrête de te laisser aller. Une de perdue, c'est pas gagné. Comme l'enterrement était une fête, comme le veut la tradition, allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Sortant donc ce vieux cercueil qui renferme quelques boissons, on a tous droit à des écueils, va pas finir en vieux garçon. Casani, que toi c'est mort, Chantal a peut-être pas eu tort.

sorry for nothing. Maybe I got in me what I mean. I always knew what I'm doing. Why I'm feeling down, I always feeling down. I feel I'm not the only one. I feel I'm gonna be the better one. I always know just about you, you always about me. Why I'm feeling down, we always feeling down. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce qu'on a écouté trois morceaux à la suite. On en avait prévu deux, mais on a un troisième qui est venu se greffer, tout simplement, parce qu'on avait envie d'écouter et parce qu'on n'était pas prêt non plus au niveau de la préparation, parce qu'il va y avoir du live juste après. Donc, on a écouté Mourad avec Ta vie de garçon. Il était venu dans l'émission numéro 497, il y a quelques semaines déjà, quelques mois. Et en tout cas, on avait passé un très bon moment, comme d'habitude avec Mourad. Hein, c'est un artiste vraiment que je vous conseille d'aller voir en concert. Il est vraiment excellent et en plus, il est superbe. Humainement, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et ça c'est très important. Le morceau s'appelle Ta vie de garçon. Juste après, on a écouté donc un morceau de l'album du groupe que nous recevons ce soir dans l'émission numéro 521. C'est le groupe Dook. Ils sont ici dans les studios, ils ont préparé leurs instruments, donc il va y avoir du live juste après. Et le morceau, c'est Dis-moi. Et à l'instant, c'est un artiste qui est déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ce projet-là n'existe plus. Ça s'appelle The Patient. Et le morceau qu'on écoutait s'appelle The Night Move. Et voilà, en tout cas, The Patient, c'est un artiste qu'on a beaucoup passé dans l'émission Eureka parce qu'on aime bien ce qu'il fait. Voilà. Donc, on va venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, là, on est dans les conditions live. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Donc, Mais c'est pas celui-là qu'on va faire. C'est pas tout va bien. Non, c'est pas tout va bien parce qu'il y a ce morceau-là qui existe aussi, tout à fait. Donc, on va essayer de régler un petit peu les micros au fur et à mesure. Hein, mais ouais. Est-ce que la guitare, on l'entend bien? Ah, oh, bon, oui, la guitare, on l'entend très bien. Voilà. Et moi, ça va, le son? Le son, oui, ça fait un petit peu sourd, mais bon, on va essayer de. Si on peut pas faire autrement, mm-hmm. on va voir. Voilà, on va essayer de régler les micros bien comme il faut. Ouais. Ah, bah oui, là, ça va beaucoup mieux. Ah bon, bon, c'est bien. Ouais, parce qu'il manque un petit peu de puissance, mais cette fois-ci, ouais. C'est bon, là, maintenant, tu m'entends bien. On entend, voilà. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont amené tout leur matériel. Il y a plusieurs amplificateurs qui sont pris, donc par des micros. Hein, dans l'émission Mavrica, on fait comme ça, on fait des prises en direct live. Et alors, il n'y a aucun effet. C'est vous qui gérez les effets. Moi, de mon côté, je gère juste les volumes. Et donc, vous allez faire une première interprétation. Ouais. Un premier morceau. Un premier morceau qui n'est donc pas sur notre CD. Et Claude m'invite à me laisser aller. Donc, le premier morceau s'appelle « Je me laisse aller ». Bon, je me contrôle quand même. Hein. Je me laisse pas trop aller quand même. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Poser trop de questions, il suffit d'avancer un pied et le second, car pour marcher il faut deux pieds. Ouais. Sinon pas bon, je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller. mais faut pas se poser trop de questions. Il suffit de pousser un pied et le second. Et surtout les mains bien calées. Ouais. Sur le guidon, je laisse. Poser trop de questions. Il suffit de planter à pied le second et de se multiplier. Mais cornichon, je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. Et pour danser, c'est pas de sorcier. Mais non, mais non. Il suffit de bouger un pied et le second, se balancer et de se secouer. Ouais, ouais. On devient bon. Je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. C'est bon, je me laisse aller. Et pour rêver, on a trouvé la solution. Il suffit de se laisser aller à l'abandon. Et surtout de ne pas se poser, non, non, trop de questions. Je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller, c'est bon, je me laisse aller, je me laisse aller. Qu'est-ce que c'est bon? C'est sûr, c'est bon. Live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc bon, au début, moi, il a fallu un petit peu que je réajuste, mais là, je pense que le son, il est assez clair. Là. Ça, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, premier morceau interprété en direct live. Alors tout se passe bien. Vous avez pas de casque sur la tête, donc vous m'entendez pas. C'est ça. Si, si, on t'entend un si, peu. Si vous entendez un petit peu quand même. Ouais, on t'entend un peu. Très alors, bien. On va faire un changement avant de faire le prochain. Enfin, un changement de guitare. On aime bien effectivement, comme tu le disais, changer de style. Bon, là, on a commencé un peu rock. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, ça balance. On va rester sur du blues. Et puis, y aura de la samba aussi, hein. Donc plein de rythmes différents, on va voyager à travers le monde, hein. C'est ouais. Un voyage dans le temps et dans l'espace et puis dans ça. Le tempo, voilà. C'est ça. Et puis il y aura aussi il y aura un peu de funk, un peu de swing aussi. Justement, on a choisi un peu un panel de nos musiques et de nos chansons pour montrer justement toute la variété de ce que l'on fait donc le prochain morceau ça va être un blues Alors moi, il faut que je m'organise aussi. Donc voilà, on est en direct live, on se prépare, on va faire ça tranquillement. On a toujours réussi à faire les choses bien dans l'émission Mavrika, donc ça va bien se passer. Attends, on va se mettre un casque quand même, on va mettre nos casques sur les oreilles parce qu'effectivement... Ouais, vous avez du mal à entendre. Oui, c'est-à-dire que là, il y a la configuration live et la configuration quand on fait de la radio. Donc après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et il y en a certains qui gardent leur casque, et d'autres pour chanter, ils préfèrent l'enlever. Donc je comprends que ce soit un petit peu. Non, mais pour t'entendre, c'est mieux quand même. Bah oui, le problème il est là. Parce que moi, je vous entends bien, les auditeurs vous entendent bien. Mais vous avez un petit peu de mal à m'entendre parce que vous avez juste l'écho du casque. C'est ça. Alors Claude a changé de guitare. Moi, il faut que je change d'harmonica parce que c'est tout le truc de l'harmonica diatonique, c'est qu'un seul harmonica ne suffit pas. C'est pour ça que tous les harmonicistes, on les voit avec des mallettes. Ils ont des mallettes, des sacs où il y a plein d'harmonica. C'est ça. Il y a quelques fois qu'ils le font à la cow-boy aussi, qui se les mettent en ceinture. Bon, ah ouais, j'ai jamais vu ça, mais ouais, c'est une idée. Si, ça existe. D'accord. Ou alors, à la limite, on peut imaginer ça aussi, comme les chasseurs, ils ont les trucs à bretelles, ils peuvent très bien les mettre aussi. Voilà. Donc là, vous allez interpréter deux morceaux à la suite, hein, cette fois-ci. Il y a eu un changement de guitare. Donc la première guitare était accordée un petit peu avec un accordage un petit peu spécial. Donc là, maintenant, on change de guitare. Et puis, Doudou a été chercher une autre harmonica pour interpréter un morceau. Donc cette fois-ci, comme tu disais tout à l'heure, c'est un blues. Oui, c'est un blues rigolo, en fait. Un blues rigolo. C'est un blues rapide. Et lent d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs tempos dans le même morceau, mais ça on va le découvrir. Alors comment s'appelle le morceau ? Ah, il s'appelle Pedalo Blues. Pedalo Blues. À cause du vélo. Le groupe Duke en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est Claude qui va donner le top départ. Allez, c'est parti. Nous, on aime bien faire du vélo, surtout les jours où il fait beau. On s'équipe alors comme des pros et on se prend pour les héros. On a une paire de sacoches, ouais, et pour chacun une petite lampe de poche. Nous, on adore le vélo, et même quand il ne fait pas beau, on s'équipe alors bien au chaud. C'est sûr, on n'est pas des zéros. On emporte une belle brioche vendéenne. Ça tient pas beaucoup de place dans les sacoches, non. Une gourde, un gilet jaune. On est comme des rois sur leur trône. On se prend pour des amazones. Sur nos montures que l'on bichonne. Maintenant il faut que ça filoche, ouais. On avance bien, c'est sûr, c'est dans la poche. Ouais, doucement. Ouais. On est parti à toute vitesse. Attends-moi. Et on a même pas mal aux fesses. Attends-moi. On pédale comme des poissonnés. On prend un peu d'air frais dans le nez. Ça roule super bien sur le plat, ouais. On fera 30 bornes et sûrement même au-delà, ouais. Allez, roulez jeunesse. Déjà 10 kilomètres de fête, et on se trouve super frais. On sent qu'on va pouvoir filer toutes les distances avalées. Et puis c'est frais qui fait du bien. Y a pas à dire, le sport ça entretient, ouais. Yeah. pied une côte. On ne la croyait pas aussi haute. Et même sur la petite vitesse, on sent bien que le rythme baisse. D'autant qu'on a très mal aux fesses. Ça attaque vachement notre robustesse. Aïe, aïe, aïe. Dis, quand est-ce qu'on arrive? On n'est pas encore arrivé. Oh non, j'en peux plus. Ce vent qui nous fraye, même sur le plat, on a de la peine à pédaler pour avancer. On commence à être rincé. On a hâte d'être arrivé. C'est sûr, on est beaucoup moins motivé. Moi, j'y retourne pas demain, je te préviens, non. Ah non. Non. Yeah. Pédalo Blues en direct donc dans l'émission Mavrika, le groupe Duk, voilà. J'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à écouter ce morceau-là. En tout cas, il y a des changements de rythme, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a les côtes, il y a les descentes et tout ça. Donc quand on fait du vélo, et c'est vrai que c'est votre une de vos passions, le vélo, non? Disons qu'il faudrait surtout qu'on en fasse plus. D'ailleurs, on a acheté des vélos et des moteurs. Ah ouais, on a des régions qui sont très très pentues là. Je sais pas pourquoi. Au départ, Claude pensait que c'était plat, mais en fin de compte, non, la Touraine. Alors, si peut-être si on est là, sur l'Orléanais, c'est un petit peu plus peut-être, plat. Oui, et encore, sur la voie du TGV. Il y a du vent, il y a du vent par contre. La voie d'aérotrain, là, c'est plat. Oui, tout à fait. Aller-retour sur le béton. Bon, de toute façon, c'est ça. Hein. Quand il n'y a pas de côte, il y a du vent. Donc, ouais. Tant qu'on l'a dans le dos, tout va bien. Mais quand on l'a dans le nez, c'est moins moyen. Voilà, on fait un petit coucou à tous les gens passionnés de vélo aussi, hein, les cyclistes, voilà. Dans l'émission de Mavrika, bah, on parle de plein de choses différentes et grâce à Duk, on parle un petit peu du vélo. Très bien. Vous continuez avec un troisième morceau? Et après, on fait une petite pause. Hein. On laisse respirer un petit peu et puis on envoie d'autres artistes aussi, hein, d'autres enregistrements. Et après, on se remet à papoter un petit peu aussi. On a plein de choses encore à découvrir. Ouais, alors c'est un instrumental, le prochain. Là aussi, il faut que je change de micro, mais Claude va meubler un peu pendant ce temps-là. Je sais pas si... Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ah oui, tu as dit que les spectacles, il fallait les faire ailleurs. Je pensais qu'on pourrait aller chez Max. Max et les ferrailleurs. Non, ouais, les ferrailleurs, voilà. Jeu de mots. Sinon, ben, le morceau s'appelle Océan. Et Doudou a toujours pas son bon harmonica. C'est ça, il y en a tellement, il faut bien les ranger parce qu'ils sont pas bien rangés. Alors là, c'est harmonica par tonalité. Bah oui, tout à fait, ouais. Et c'est des tout petites harmonicas, donc il y a pas beaucoup de notes. Enfin bon, alors que sur la boîte à ficelle, c'est on se mélange les crayons. Qu'est-ce qui vibre? Ah, c'est le d'accord. Allez, c'est parti. C'est bon. Océan. en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Duke avec trois morceaux à la suite, hein, quand même, il faut le faire. Hein. Donc là, vous allez faire une petite pause. Donc le dernier morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Océan, voilà, et c'est en direct live. Hein. Il y a pas beaucoup de radios qui prennent le risque de faire ça en direct. Eh ben nous, on le fait parce que c'est vraiment le côté vivant. Il y a des, oui, dans l'émission Mavrika, ça se passe quand même assez bien. Ils veulent bien jouer, en tout cas. Et puis, je sais que vous, c'est votre plaisir aussi. Donc, vous avez amené votre matériel et on fait pour le mieux, pour diffuser la musique le mieux possible. Et en attendant, bah, je crois qu'on arrive quand même à des belles choses dans l'émission Mavrika. Voilà, on va vous laisser le temps de poser vos instruments, de vous rasseoir à nouveau. On va écouter. Un petit coup de flotte aussi, parce que mine de rien, l'harmonica, ça. Ah bah oui, hein. En plus, il fait chaud dans le studio. La première chose qu'on a fait, on a baissé les radiateurs, parce qu'il faut faire des économies. Ouais. Sinon, on n'aura pas assez d'électricité et de gaz jusqu'à la fin de l'hiver. Et en plus, parce qu'il fait chaud dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, je propose qu'on écoute un petit peu de musique. On va écouter peut-être un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Duke. Voilà. Et c'est tiré de l'album, c'est Tout va bien. Ça caille ce matin, mais tout va bien, je suis en retard au boulot, tout prend un peu l'eau, mais tout va bien. Plutôt racri que je n'ai plus de fric, mais tout va bien, tout va bien. La crise s'éternise, tout penche comme un bise, mais tout va bien, tout va bien. Perdu mes clés, je ne peux plus rentrer, mais tout va bien, on me fait la gueule, je suis bien toute seule, car tout va bien, sont petits, même si plus rien ne me sourit, et si la vie est trop triste, j'ai choisi d'être optimiste. Tout va bien, tout

un jour l'on s'incline sans trop savoir à quoi ça rime. L'amour en stock et par paquet, moi j'arrive pas à m'habituer. Encore un jour l'on s'indigne sur nos émotions clandestines. On nous rapièce pour que ça passe, mais je vois bien que ça me dépasse. Encore un jour de haute couture, tout est si propre et sans rature. Tout est cousu de fil blanc, à coups de ciseaux dans le flanc. Encore un jour où l'on s'écarte, on est proche de l'échec mat. Le ciel se grise à la maison, nous coupons la discussion. Encore un jour tellement vulgaire, regarde de quoi j'ai l'air. J'aimerais tenter de me refaire, putain regarde de quoi j'ai l'air. Encore un jour de haute couture, tout est si propre et sans rature. Tout est cousu de fil blanc, un coup de ciseaux dans le flanc. Encore un jour où l'on étouffe et sous les tissus on camoufle les ambitions, les sutures qui nous gênent aux entournures. Encore un jour de marée haute qui revient cisailler nos côtes. On se fatigue, on s'agace, on n'en peut plus de boire la tasse. Encore un jour de haute couture, tout est si propre et sans rature. Tout est cousu de fil blanc, un coup de ciseaux dans le flanc. Encore un jour dans la poussière, dans le brouillard, on s'affaire. Pour résister aux ouragans, se dire qu'on n'est plus des enfants. Encore un jour à la lisière, le doigt de se déplaire. Agitons le drapeau blanc, laissons faire un peu le temps. Encore un jour de haute couture, tout est si propre sans rature. Tout est cousu de fil blanc, un coup de ciseaux dans le flanc. Tout est cousu de fil blanc, un coup de ciseaux dans le flanc. Tout est cousu de fil blanc, un coup de ciseaux dans le flanc. Personne à ta porte. La nouvelle vient de tomber, ton monde va s'effondrer. Une larme le long de ta joue commence à couler. Et ton cœur se remplit de peine et de douleur. Tu n'y crois pas, tu réfléchis, tu lui parlais tout à l'heure. Sois fort, résiste, la douleur s'effacera. Sois fort. Devoir appeler tes proches et leur expliquer. L'enterrement se profile pour un dernier au revoir. Il va falloir rester debout après son départ. Et ton cœur se remplit de peine et de douleur. Tu n'y crois pas, tu réfléchis, tu lui parlais tout à l'heure. Sois fort. La douleur s'effacera. Sois fort, résiste. Son âme t'attendra. proche ou parent perdu. Mais il faut se faire à l'idée qu'on ne les reverra plus. Sois fort, résiste, la douleur s'effacera. Sois fort, résiste, ce qu'on t'accompagnera. Sois fort, résiste, nous restons ici-bas. Sois fort, résiste, que nous n'oublions pas. Sois fort, résiste, la douleur s'effacera. Sois fort, résiste, ce qu'on t'accompagnera. Sois fort, résiste, nous restons ici-bas. Sois fort, donc aujourd'hui nous sommes dans l'émission numéro 521. Nos invités sont Duke, voilà le groupe Duke, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté plusieurs morceaux en direct live, on a écouté aussi un morceau de leur album qui s'appelle Tout va bien. Juste après on a écouté Elodie Chelot avec La Javanaise. Donc c'était dans l'émission numéro 479, elle était venue ici dans les studios et nous avait interprété un morceau comme ça a cappella, parce que c'est vrai que c'est pas évident de chanter sans musique du tout. Donc là elle l'avait fait, donc on peut voir sa très belle voix. On a écouté aussi Max de Giovanni qui était venu il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son album. Et justement il était venu de Bayonne en plus hein. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Allez viens. Et si vous allez justement sur son Facebook par exemple, vous pouvez aller découvrir le clip de cette chanson et vous verrez qu'il y a une petite surprise dedans, parce qu'il y a des gens que vous connaissez dedans. Je dirais rien de plus, vous verrez en tout cas. Voilà, donc juste après on a écouté Tim qui était venu il y a très longtemps ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qu'on avait fait jouer aussi dans un Arrega Live et qui continue sa carrière. On le voit qui tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et en plus, il a fait la rencontre de quelqu'un qu'on connaissait aussi, qui était venu dans le groupe Arcadia. C'est Julien Mirc. Donc Tim et Mirc, ils s'étaient mis ensemble pour ils se sont bien rencontrés, parce que je trouve que leurs deux voix va très bien, leur style musical aussi. Et ils avaient fait ce morceau qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Haute Couture. Et à l'instant, voilà, c'était les No More Back, un groupe qui est venu de nombreuses fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Là, on a écouté une version musclée, mais je me souviens de la version qu'ils avaient interprétée ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui nous avait très émus, parce que c'est quelque chose, c'est une chanson avec des paroles qui parlent justement de la perte d'un être cher. Et c'est quelque chose qu'on est confronté tous plus ou moins dans notre vie. On a tous des gens qui nous manquent énormément, et c'est une chanson pour cela. Donc les No More Back, qu'on écoutait avec beaucoup de plaisir. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que nos invités sont là. Donc il y a la configuration live, et puis là on va papoter un petit peu hein. Donc c'est la voix de Claude. Alors justement, il y a Claude, il y a Doudou et Christophe qui sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on va continuer à parler un petit peu, parce qu'on a parlé un petit peu du groupe Duke, on a découvert les morceaux. Bon, ça c'est important, Duke c'est d'abord la musique, donc on a écouté la musique. Mais on va aussi parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé depuis votre dernier passage dans l'émission. Donc on a vu que ça remontait il y a deux ans et demi, hein, donc juste avant le Covid. Et donc c'était en 2020, janvier. Là maintenant on est au mois de septembre 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez un petit peu en stand-by, c'est ça? Oui. Ouais. Si, quand même. Ah, mais c'est vrai qu'on aurait pu croire que le fait d'être bloqué, en fin de compte, à la maison... Ça n'a pas duré très longtemps hein, pour nous. Non, mais enfin, si, pour tout le monde, le blocage, il a été le même pour tout le monde, mais on aurait pu croire effectivement que ça pouvait en profiter pour créer des nouveaux morceaux. Pour composer, pour... On n'avait pas, la moelle. Et en fin de compte, c'est vrai. Ouais, beaucoup ont... Enfin, un certain nombre, je dirais, j'ai vu que des artistes connus disaient « je peux rien faire parce que je peux pas... » Ouais, parce qu'il n'y a pas l'envie non plus, le fait ouais, de... Ouais, puis c'était trop anxiogène, quoi. On ne savait plus sur quel pied danser, etc. Il y en a eu pas mal qui ont d'ailleurs sorti des morceaux à propos du Covid, de la situation dans laquelle ils vivaient. Donc voilà, c'est un petit peu... Bon, à la limite, ces morceaux-là, je ne sais pas s'ils vont durer, parce qu'on a, on a plutôt envie d'oublier cette situation. Ouais, quand je disais, on n'a pas sur la longueur, c'est que nous, en tant que groupe, en fait, on a pas été... On a joué, hein. On a réussi à jouer, c'est-à-dire que on s'est reparti au moment où ça a été réouvert, où il y avait les possibilités de jouer dans des petits lieux. On a joué. Alors c'est vrai que bon, on a la chance. Non, c'est pas une chance. On a la volonté aussi de ne pas jouer uniquement que sur la région centre. Voilà, on a aussi envie d'exporter. Voilà, on a aussi envie de s'exporter. C'est pas toujours facile. Mais bon, on est parti jouer du côté de Périgueux. On a joué cette année, on est allé en Bretagne. On a joué dans le Cantal aussi. On essaye de trouver d'autres lieux. Alors quand je dis que c'est pas facile, c'est que bien souvent, j'ai eu moi comme réponse quand je cherche des lieux, ah ben oui, mais vous n'êtes pas connu, alors est-ce que vous allez nous amener du public ou pas ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut que ce soit le musicien qui amène du public. Ah, maintenant, c'est comme ça de plus en plus. Oui, c'est ça. C'est vrai enfin, là, on se marche un peu quand même. C'est quand même un peu n'importe quoi parce que bon. Le musicien. Ils veulent plus tellement se mouiller, finalement. Ils disent, venez jouer, mais amenez votre public. Et moi, j'encaisse tout. Tout va bien. Oui, c'est ça. Quand c'est loin, le public, il nous connaît encore moins, quoi. Voire pas du tout. Après, moi, j'encourage aussi le public, hein, les auditeurs. Ah, c'est justement aller dans des concerts. Des fois, on connaît pas les gens. Oui. Et on dit, tiens, ouais, il y a un groupe qui passe là. Tiens, on va aller voir. Allez-y, soyez curieux. Vous allez voir. Vous aurez des drôles de surprises. Parce que des fois, des gens, on les attend pas. Mmh. Et puis, quand on les écoute, on dit, on a passé une bonne soirée. Franchement, c'était super bien. Et tu vois, ce groupe-là, il mériterait de percer et d'être plus connu. Mais bon, ils continuent à faire leur petit truc. Mmh. Et il y en a, ils vivent toute leur vie comme ça, de troubadours, quoi, finalement. Mais voilà. Ce qui est très réjouissant pour nous, c'est que, en fait, comme on a choisi de ne pas faire de reprise, aucune, tous les titres sont originaux, que ce soit la musique, les textes, etc. C'est difficile au départ, hein, de se faire connaître comme ça, de s'implanter, quoi. Surtout, bon, quand on joue dans un bar, le public en général, il attend des titres connus pour bouger, etc. Et la première fois où ça commençait à bouger avec nos propres titres, on était super contents, quoi. Les gens dansaient sur nos morceaux, c'est super, quoi. C'est bien, parce qu'à un moment donné, on se disait, bah, comme on fait de la musique avec des textes qui se comprennent, serait peut-être bien de jouer sur des scènes uniquement, et puis que les gens soient assis. Puis non, en fait, c'est quand même sympa de voir quand ça bouge. C'est clair. Hein. Alors c'est vrai que bon, là aussi, comme on est deux, voire même trois, et puis Christophe est partant pour nous suivre au bout du monde. D'accord. Ah, tu l'as dit. Hein. Je viens d'investir dans un hélicoptère. Et voilà, donc on va essayer de continuer quand même de bouger un peu pour bon, déjà le prochain, le week-end prochain, on s'expatrie dans la Vienne. C'est pas très très loin, mais quand même. Mais quand même. Ouais. Voilà, on sera à Poitiers vendredi prochain. De toute façon, on continue à faire du live parce qu'en plus on se posait la question, est-ce qu'on refait un deuxième CD ou on a la matière pour le faire. L'inconvénient, peut-être le CD, c'est un peu dépassé, quoi, même beaucoup. Parfois, même quand on offre des CD, il y a des personnes qui nous disent « j'ai rien pour l'écouter », parce que dans les voitures, il n'y a plus de lecteur, quoi. C'est terrible. Ça devient compliqué. Hein. Ah ouais, même ouais. Les ordinateurs, aujourd'hui, il n'y a même plus de lecteur de CD. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ordinateur, voiture, tout ça. Bon, et je sais pas, on fera peut-être des clés USB. Oui. Mais bon, après, il y a quand même un retour qui se font. C'est-à-dire que le vinyle, il a fait son grand retour il y a quelques années. Et là, maintenant, on entend parler même du CD, et même certains des cassettes. Hein. Donc, les cassettes. Oui. Voilà. Après, c'est faut le crayon pour. Faut le crayon pour les dérouler. Ouais. Ils ont ressorti les cassettes. Et ils revendent des musiques cassettes à l'ancienne. Ouais. J'en ai acheté un, ouais. Pour pouvoir réécouter mes vieilles cassettes qui s'embobinaient autour de la tête de lecture. Et là, le problème en ce moment, c'est pour le pressage des 33 tours, il n'y a plus assez de plastique. C'est ça. C'est vrai en plus. Ça coûte énormément cher. Déjà, ça coûte cher la fabrication d'un vinyle. Tout à fait. Mais là, en plus, avec le prix de la matière première, alors là, ça devient une catastrophe. Quoi. Oui. Alors que du plastique, il y en a partout, mais il n'y en a pas là où on veut. Bah, oui, il vaut mieux le garder dans les disques que de les mettre dans la mer. On va ressortir les gramophones avec le disque en cire et on va graver directement nos chansons. On va se parler en morse. J'y pense. Ouais, en morse, ouais. Sur la banquise. Ah non, ça fait plutôt coq. La marche de l'empereur. Non, pas l'autre, l'autre. Voilà. Ouais, donc oui, il y a aussi des nostalgiques, hein, des gens qui aiment bien l'objet. Et c'est vrai que quand on va à un concert... c'est vrai que on a envie de ramener quelque chose, et souvent c'est le CD quoi qu'on fait dédicacer, qu'on ramène à la maison et qu'on écoute. J'aime bien l'objet, j'aime bien, et moi le premier, hein, je fais de la radio, donc ce que je fais, moi j'aime bien les CD, souvent ils sont dédicacés par les artistes qui me les ont apportés, et en plus après moi je les range bien comme il faut, je les numérise de manière à pouvoir les diffuser quand même dans les prochaines fois, mais comme ça l'objet je le garde, c'est quelque chose de précieux quoi, c'est quelque chose je le sors de temps en temps, mais bon, c'est vrai que le fait de les transporter, parce que si on va d'un endroit à un autre, on finit par les abîmer, et c'est un petit peu dommage. Donc, on essaie de les préserver et de garder des bons souvenirs. Voilà, donc le CD, alors pour l'instant, pas d'enregistrement dans les projets. Non. On fera des choses peut-être à la maison, du coup, et puis on... Après, vous pouvez faire aussi et puis diffuser sur des chaînes YouTube, des choses comme ça. Oui, c'est ça, sur des petites vidéos. Sur des plateformes, en streaming. En streaming. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est... Mais bon, je sais même pas d'ailleurs. On a des copains qui utilisent ça, des plateformes. Alors, ils étaient venus d'ailleurs, les trans Chacal Express. Ouais. Non, ils sont toujours pas venus. Ah, ils sont toujours pas venus. Non, ils devaient venir. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'on les appelle. On diffuse de temps en temps des morceaux, mais bon, il faudra qu'ils viennent. Oui, c'est vrai que ça avait été annulé la première fois à cause du Covid. Après, on a dit on verra après tellement. Mais finalement, c'est comme je disais, il y a pas mal de groupes qui m'ont dit on passerait bien dans ton émission, mais ils n'arrêtent pas de date. Donc moi, pour la semaine prochaine, je ne sais pas qui sera là. Mais vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un. Bon, on revient. Oui, dans le pire des cas, vous revenez, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai qu'eux, ils utilisent les plateformes. Il faudra que faut que je leur demande aussi s'il y a vraiment du téléchargement ou pas. Je ne suis pas convaincue. Parce qu'après le streaming, il y a le téléchargement, mais même moi, je sais que je suis quelqu'un qui télécharge beaucoup, c'est-à-dire que j'aime bien avoir les morceaux, je les mets sur mon disque dur. Et après je m'en sers parce que pour diffuser la radio, etc. Mais il y a des gens qui se contentent simplement d'écouter. Ils ont rien, ils conservent rien. Donc, je crois que c'est une génération maintenant où on conserve plus rien. On vit l'instant et puis c'est terminé. Alors que nous, on le voit aussi dans les photos. Les photos, moi, je n'ai pas la même manière de prendre des photos que d'autres personnes. Il y a des gens qui font les photos. Voilà, c'est le moment. On diffuse. Voilà, c'est terminé. Le lendemain, on ne se souvient même plus où est la photo. Et si on veut la retrouver dans 3 ans, on ne sait pas où elle est. Moi, non, mes photos, je les prends. Bon, après, je fais les deux. Avec mon portable, je fais des photos comme ça aussi que j'envoie pour dire, voilà, je suis à tel endroit, etc. Mais après, il y a aussi les photos que je fais que j'ai envie de conserver et qui sont dans des albums, qui sont dans des ordinateurs, donc dans des disques durs avec des dossiers, la date, etc. Et voilà, je ressors de temps en temps des photos et je peux même les imprimer en haute qualité pour pouvoir les afficher ou voilà. Après, c'est une manière différente de voir les photos. Aujourd'hui, c'est un peu du jetable qu'on fait, hein, aussi bien pour la musique que pour les photos, que pour tout. Hein. C'est une société où on vit le moment et puis c'est terminé. C'est un petit peu dommage. Donc après, les lieux, on a fait un peu, on va dire qu'on a fait un petit peu moins de concerts cette année que en 2022 qu'en 2021. Ça, mais c'était une volonté, oui. Mais c'était une volonté, oui, aussi. On avait aussi envie de prendre un petit peu de temps pour nous aussi, parce que du coup... Oui, ça prend du temps. Hein. Et oui, oui, voilà. Faut pas c'est croire. Ça. Les musiciens, c'est pas juste le moment où ils sont sur scène. Non. Le moment que 5 minutes sur scène, ça représente des heures et des heures et des milliers d'heures, voilà. Même. Et c'est énergivore, en plus, parce que bon, bah, ça bouffe de l'énergie, il faut s'en remettre aussi. Bah oui, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, dites-vous, ma brave dame. Par contre, il y a un lieu où on retourne tous les ans, qui est un lieu qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un festival, un nano festival. Alors, je regarde Christophe parce que Christophe en est à l'initiative et voilà quoi. Et ça, c'est un nano festival où on prend beaucoup de bonheur parce qu'il y a beaucoup de partage avec le public. Le public écoute. C'est ça le plus important. Et ça, alors ça, c'est le pied. C'est le pied d'avoir un public qui écoute et qui est attentif, qui vient nous voir, qui nous complimente, qui nous dit ce qu'ils aiment. Ben voilà quoi. Ah bon? Je sais pas, j'avais rempli des cajots de tomates. Non. Des canettes vides. Je laisse Christophe en parler. Ouais. Je laisse Christophe en parler un peu. Bah oui, parce que là, on a parlé du festival, on n'a pas encore donné le nom. Comment il s'appelle ce festival? Alors, c'est un festival qui est assez bizarre. On va en dire comment. Bizarre. Oui, c'est original. Un, voilà. C'est un nano festival. C'est 10 puissance moins 9. Donc c'est un tout petit. Alors, au début, je voulais faire petit festival. En fait, micro, c'était encore trop. Non, c'était trop. Nano. Nano festival. C'est à l'échelle. En fait, c'est un jardin qui accueille des musiciens. En fait, cette année, les gens, ils m'ont dit, c'est un jardin qui crée du lien. Donc, grosso modo, c'est très simple. Les artistes sollicitent le jardin. On le met à disposition. Cette année, on a rajouté une nouvelle scène. C'est une caravane qui se déplie. Magnifique. Et c'est alors en plus c'est près d'un terrain d'accueil des gens du voyage. Il y a l'image qui suit, le côté voyage, musicien, la scène qui se déplie, la caravane qui s'ouvre et hop là, le troubadour, voilà. C'est ça. Vagabond, le c'est voilà, complètement c'est... ça à l'esprit. Ça fait un peu guinguette maintenant cette année. Et le principe c'est que en fait tout le monde est acteur du festival dans le sens où chacun amène son siège, de quoi manger, de quoi boire. Moi je mets à disposition le jardin. Je mets à disposition toute l'énergie, les copains, les éclairages, l'eau, l'électricité, on met tout ça à disposition. D'accord. Et par exemple, il y a un barbecue, il y a du bois, il y a du charbon, mais il va rester là pendant longtemps tout seul tant qu'il n'y en a pas un qui prend en charge. Et en fait, c'est le public qui arrive et qui gère le truc. D'accord. Et en fait, tout le monde se démerde. Hein. Et en fait, grosso modo, quand tu rentres, tu deviens acteur du truc. Tu as envie de faire un truc, vas-y, tu as envie de faire ça, fais-le. La dernière fois, il y en a qui voulaient, je me rappelle Vanessa, qui voulait mettre des ballons. Tu veux mettre des ballons? Mets des ballons. Ouais, voilà. D'accord, mais les gens, quand ils ont une idée, ils la font et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de contraintes. Il y a quand même des choses que vous interdisez de faire quand même. Non, on leur interdit de partir, mais ouais. Non, mais je pense que les gens ils amènent des bonnes idées aussi. Ils vont pas proposer de faire non, c'est vraiment sympa. C'est dans le respect et tout ça. Ouais. Mais ça se fait naturellement. C'est le bon côté. L'humain, c'est la pire des choses, c'est la meilleure des choses aussi. Et donc, il faut toujours mettre en valeur les qualités de l'humain. Voilà. Et on est fait pour s'entendre et vivre ensemble et passer des moments ensemble. Et ça, c'est le bon côté de l'humain. Et donc, il faut continuer à le développer. Il faut pas s'enfermer chez soi en disant que mon voisin, il est pas comme moi, c'est mon ennemi. Non, il faut échanger. Et c'est un peu un art comme démarche parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chef, quoi. Non. Hein? Mais personne, avec ma chérie, Anastasia, on est là, simplement, on est là. Comme une présence bienfaitrice. Bienveillante, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Les deux. Il n'y a pas d'organisation. Bienfaitrice aussi, parce qu'ils nous mettent du courant. D'accord, mais c'est bien. Oui, c'est bien, c'est vraiment le vrai mot de la démocratie, quoi. Parce qu'il n'y a pas un dictateur qui est en train de gérer tout, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Et même des fois, il y a des gens, ils ne savent pas qui. À organiser le truc. Ils sont là, c'est bien, chouette. Ah merde, il est sur scène. Voilà, il y a des lieux comme ça qu'on apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai qu'aussi, bon, nous, on va dire qu'on ne vit pas, on n'a pas besoin de notre musique pour manger. Donc on peut se payer, je dirais, le luxe de choisir les lieux où on va jouer. Donc c'est vrai que quand je dis que c'est un luxe, c'est un luxe parce que justement c'est plutôt ce qu'on recherche. On cherche plutôt les lieux qui sont des lieux conviviaux, qui sont même si sont des bars. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des bars qui sont sympas, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Voilà. Oui. Souvent les musiciens me demandent, il y aurait pas un endroit pour jouer et tout ça. Alors moi je discute avec d'autres musiciens et puis je regarde un petit peu le retour qu'ils ont. Et il y a des endroits dans lesquels j'envoie facilement les gens en disant, essaye avec un tel, tu peux même leur dire que t'es passé dans l'émission Avreka, parce que bon, là, la plupart des bars nous connaissent un petit peu aussi. Et voilà, tu dis de ma part que c'est moi qui ai conseillé, et tu verras, tu seras bien reçu et tout ça. Il y en a d'autres où j'envoie pas les gens, simplement. Voilà, parce que bon, moi, j'ai eu des retours des gens qui ont été joués. C'est à peine si on lui disait, tu peux pas baisser un peu plus, là, il avait l'impression de déranger. Et puis souvent c'est des bars-restaurants, et puis le gars il fallait qu'il amène sa petite gamelle et à boire et à manger, parce qu'on même ça on lui donnait pas. Ouais, donc ça, voilà, je pense que c'est pas respectueux. Après je comprends qu'il y a des difficultés, des fois il y a pas le public, on peut pas payer vraiment les artistes, mais la moindre des choses c'est de bien les recevoir. Ouais. Oui, de bien les recevoir, mais ça c'est la moindre des choses. Après il peut y avoir le chapeau, il peut y faire il y a plein de choses comme ça, et puis il y en a certains qui acceptent de jouer simplement pour avoir du public. Mais la première chose c'est de bien les recevoir et au moins leur donner à manger, à boire. C'est ça. Ça me paraît évident, quoi. Oui. Voilà, on n'est pas des sauvages, quoi. Quand des gens ils viennent pour faire quelque chose, au moins, voilà, on les remercie d'une certaine manière. Voilà. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que là cette année, on a eu la chance. Alors c'est un lieu où je pense qu'on aimerait aussi retourner. C'est très sympathique. C'est le Festival des Roses. Festival des Roses qui a lieu à Chédigny, donc en Indre-et-Loire. Chédigny, c'est un petit village très actif, puisqu'ils ont pendant des années organisé un festival de blues, qui était très sérieux, un gros festival. Donc c'est un village très dynamique. Bon, maintenant ils ont fait le Festival des Roses, et parce que tout le village en fin de compte est décoré par plein de rosiers le long des maisons, etc. C'est très beau. Mais ça brasse un monde fou, c'est 15 000 visiteurs en deux jours, 10 000 le samedi, 5 000 le dimanche. Dingue. C'est énorme. Super, ah oui, super. C'est vraiment énorme pour un tout petit village. Et donc, ils nous ont donné la chance de pouvoir y jouer. Et on a fait quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé sur différents lieux du village. On avait des petits chariots, des petits caddies avec les amplis dessus. D'accord. Et alors on faisait pas du déambulatoire. Je fasse gaffe au déambulateur. On jouait pas en se déplaçant, mais on allait à un endroit, on posait nos caddies, on se branchait, on jouait, puis après on se déplaçait, on rejouait. Ouais, un peu comme dans le métro, quoi. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais. Ouais. Moi j'ai trouvé ça sympa, plaisant. Et puis ça permettait du coup de rencontrer un petit peu des différents lieux, du public différent, quoi. Et puis, c'était sympa. On aimerait bien aussi continuer à pouvoir accéder pour le coup à d'autres festivals, mais ça vient. D'accord. Mais est-ce qu'il y a déjà des événements prévus dans les prochains jours ? Alors oui, mais là on va dire qu'on finit un petit peu notre saison parce que bon, là aussi, c'est ce que je disais, on a aussi envie un petit peu de se reposer. C'est vrai que les mois d'été sont souvent des mois où on a beaucoup plus de facilité à trouver des lieux, parce que des lieux en plein air, des lieux, voilà. Et donc là, il nous reste deux concerts, en fin de compte, sur les deux prochains week-ends. Poitiers, vendredi prochain. Donc Poitiers, vendredi. Au RCB Café. Ouais. C'est un bar biker. D'accord. Donc on va essayer de les intéresser à des musiques qui changent un petit peu du rock'n'roll. Ouais, après, eux, souvent c'est purement, rock'n'roll, quoi, voilà. Ouais. Il y a un style de rock'n'roll bien particulier, voilà. Donc, les motards sont très ouverts, ils sont. Oui. C'est cliché, mais en vérité, c'est des gens comme les autres. C'est des gens très gentils. Oui. Puis ils ont des blousons de cuir, mais ils sont très gentils. Ça a l'air très sympa comme lieu. Ouais. Et puis alors on finit, je dirais, sur un lieu sympa, puisqu'on va jouer à la Chaussée Saint-Victor, on va jouer au Carroir, à Blois. Et la Chaussée Saint-Victor, oui. Oui, le Carroir, oui, la Chaussée Saint-Victor. Et là, on va jouer... À côté de Blois. Oui, à côté, oui. Et on va jouer donc avec le groupe Main Circle. C'est-à-dire que nous, on va jouer pendant une heure et demie. Et puis eux vont jouer une heure et demie après. Voilà, il y a deux groupes ce soir-là. Et ça, c'est donc le samedi. Par contre, ce n'est pas un vendredi, c'est un samedi 15. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. 15 octobre. Voilà. Donc, à partir de 19h30. Alors, c'est organisé par l'association FAIR. Pas que je me trompe. Aider, comme aider, de l'aide. Oui. Aider, faire. Voilà. D'accord, ah bah c'est bien trouvé. Ouais, ouais. Faire et défaire. J'avais jamais pensé à ce truc-là, mais c'est un jeu de mots qui est bien. Ouais, ouais. Ils font. C'est une association où, en fin de compte, ils récupèrent du bois et ils font plein de choses avec du bois de récupération. Ils aident même des gens, parce que là, j'ai vu dernièrement sur Facebook qu'ils avaient fait une rampe avec du bois de récupération, une rampe d'accès pour une dame handicapée, pour qu'elle puisse facilement sortir de chez elle sur sa terrasse et repartir. Donc, ils font une initiative comme ça qui permet aux gens de se retrouver c'est et faire quelque chose avec du bois de récupération, avec du briquet et des brocs. On arrive à faire des belles choses et ça, c'est formidable. Et alors il y a une autre association aussi, une association de danse aussi de la Chaussée Saint-Victor aussi qui participe, qui organise. En fin de compte, ce sont les organisateurs. Voilà, donc dans une belle salle, grande salle. J'espère qu'elle va être pleine, cette salle. Ouais, le problème des grandes salles, c'est qu'il faut les remplir. Voilà, c'est ça. Mais sinon, bon, ça résonne, quoi. oui, en plus, oui, c'est vrai. C'est ça, mais bon, voilà. Donc, on est très content de pouvoir aller jouer dans cette belle salle. Une scène, ça change un petit peu des trottoirs. Oui. C'est vrai qu'on a plus l'habitude des trottoirs ou des petits coins dans un bar, mais voilà. Voilà, donc c'est bien. Puis ça fait une animation pour... On voit un gros track. Pour cette salle, pour cette grande salle, parce que c'est vrai qu'elle est très très belle. C'est une belle salle. Le Carroir, c'est vraiment une belle salle sur Blois, juste à côté de Blois. Ouais. Très bien, c'est bien de nous parler de ces endroits-là, parce que nous, on connaît, sur Orléans, les gens connaissent peut-être pas, et pourtant Blois, c'est pas très loin, donc c'est une cinquantaine de kilomètres, c'est ça, hein, à peu près. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, donc, on a beaucoup d'artistes qui viennent de Blois, beaucoup qui viennent aussi de Tours, donc c'est vrai que ça se fait vite, et en plus, il y a l'autoroute, donc si on veut prendre la nationale et être tranquille, on peut le faire, mais si on est pressé, on a envie d'aller vite, on peut prendre l'autoroute, donc c'est ça. Un avantage. C'est ça. Et donc, c'est pas si loin que ça, et puis des fois, ça vaut le coup de faire quelques kilomètres pour justement... passer des bons moments, parce que bon... Et en plus, ça change, on voit des... Alors, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que moi, je suis pas de la région là-bas, mais quand je vais là-bas... T'es connu comme si t'étais... C'est ça. Je suis pas tellement connu... Peut-être pas connu, mais je rencontre toujours des gens c'est ce que je voulais dire, c'est que t'as des relations automatiquement. Ouais, parce que bon, les musiciens, bon, j'essaie toujours de recevoir les gens dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je suis un passionné. Les gens qui viennent ici sont des passionnés aussi, donc forcément, on a cet atome qui nous relie. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on se retrouve, moi c'est toujours un plaisir. Moi j'aime bien aller dans les concerts parce que moi souvent, je passe presque plus de temps à la fin des concerts que pendant le concert. D'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil. Hier, j'étais voir les Celtic Crack qu'on a reçu il y a quelque temps ici. Franchement, un super moment. En plus, c'était dans l'auditorium de l'espace Bérère, donc à la chapelle Saint-Mémin, et le son était magnifique. Et puis là, j'ai pu voir. Là, c'est quand même des musiciens, du professionnel quand même. Quand même des super techniciens. Et alors, mais ils font ça avec leur cœur. Et puis ils prennent aussi des petites libertés en faisant des improvisations sur scène, tout ça. Franchement, un bon moment. Et justement, en allant les voir, j'en rencontrais d'autres personnes. Et puis on passe beaucoup de temps à discuter avec eux. Et c'est ça que j'aime bien aussi. La rencontre des personnes. Et puis des gens ils me disent, tu te souviens de moi, voilà, ah oui, d'accord, oui, parce que forcément on a reçu tellement de gens ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel que des fois on s'en souvient et des fois, 10 ans après, on a un petit peu du mal, mais les têtes restent imprimées et des fois on dit, mais elle est venue dans quelle émission, oui, il est venu dans quelle émission, et on cherche, ah oui, c'était à l'époque, il y avait, ah ouais, tel groupe il n'existe plus, ah, il est passé dans le... Et voilà, c'est une histoire, c'est la vie, quoi, c'est super, quoi. Comme quoi, et on s'aperçoit que le monde est petit, hein. Vous nous avez parlé tout à l'heure de Circle, qui sont déjà venus aussi ici, et franchement, un très bon groupe aussi. Donc voilà, c'est la famille, quoi. C'est ça. Les gens qu'on apprécie beaucoup. Et donc on va passer une soirée avec eux, voilà, c'est bien. Très bien. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On passe un petit peu de musique? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets d'abord? Pour la fin de l'année, je crois qu'on va alors se reposer entre guillemets, parce qu'on a, comme on a un nouveau percussionniste, il va falloir aussi. Faut qu'on bosse un peu quand même aussi avec lui. Mais non, c'est quoi ce mot là? Oh, quel non, et puis ce serait quand même bien aussi. Un peu. Ce serait bien aussi. Enfin, Claude a des nouveaux morceaux aussi. Dans sa besace. Donc on va essayer de sortir des nouveaux morceaux pour 2023, mais il faut les travailler quoi. C'est ce que tu disais. Puis les morceaux, peut-être tu les as, Claude, mais ils sont pas encore finalisés. Et puis tu vas voir aussi quand tu vas les proposer aux autres membres du groupe, ils vont évoluer. Okay, ouais. Donc la musique vivante, c'est ce qui est bien. C'est ça. Donc, moi, je suis plus un initiateur de voilà. Après, si ça vit, que ça grandit, c'est bien, quoi. Mm-hmm, c'est très bien. Moi, j'aime bien justement voir des morceaux des fois que je reconnais sont dans des albums, et après les voir sur scène et puis les voir jouer différemment. Et j'aime bien. J'ai dit, oh, on reconnaît bien le morceau, mais là ils ont pris des libertés. Ah là, ils ont rajouté ça, c'est pas mal. J'aime bien ce côté-là. Mm. Et puis je pense que les musiciens eux-mêmes, des fois, ils font des petites erreurs ou alors ils. Et il dit, ouais, finalement, ça, on va le garder. Tiens, ce que tu as fait là, tu le refais la prochaine fois, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait évoluer les morceaux. Et puis, on sent aussi comment le public reçoit aussi les chansons. Ah, oui. Donc, quelquefois, on peut être amené à se dire, oh, là, il faudrait peut-être raccourcir un peu. Il y a des titres qu'on a accélérés, parce que c'était vraiment trop lent. Du coup, accélérer, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Et puis une bossa, c'est devenu une samba, quoi. Vous avez fait le travail à l'envers de Henri Salvador. C'est ça. Vous avez réinventé à partir de la bossa la samba. Voilà. Et puis, il va falloir continuer à trouver quelques endroits aussi pour 2023 pour pouvoir jouer. Donc, là, il y a beaucoup d'endroits qui ferment. Tout ce qui est guinguette, etc., ça s'arrête. Mais ça s'arrête, c'est souvent le moment, justement, le temps qu'ils prennent, eux, sur les fins d'année, pour faire leur programmation, pour programmer, en fin de compte, l'année d'après. Suivante. Donc c'est le moment, il faut les contacter pour pouvoir éventuellement... Sauter dessus tout de suite. Ouais. Être les premiers, non, mais c'est bien. Ouais, voilà. Très bien, donc on sait tout sur vos projets dans les médias, sachant que vous avez travaillé quand même pas mal cette année quand même, voilà. Ouais, ouais. Oui. Voilà, ouais. C'est ce qu'on voulait savoir. On a partagé, donc, on a bien partagé. Comme ça, tout ce que vous avez fait comme projet, dans 2 ans on se retrouve et vous allez nous dire si ça s'est réalisé, si c'est encore à faire ou si, tiens, ça on l'a fait, maintenant on veut aller un peu plus loin, etc. Donc, si voilà. On a réussi à jouer dans plein de festivals. Très bien. On écoute un petit peu de musique? Allez. Alors, qu'est-ce que j'avais pas vu, moi? Ah, voilà. On va réécouter une session qui a été enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était dans l'émission 396. Et c'était Léo qui était venu. Donc Léo, c'est une jeune femme qui joue de la guitare et qui chante toute seule comme ça. Et à chaque fois, elle a une manière particulière de jouer de la guitare et de mettre sa voix dessus, une très jolie voix. Et elle était venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on va écouter un morceau qui s'appelle Jimmy et qui a été enregistré donc ici même dans les studios. On écoute Léo avec Jimmy. Buffalo Jim, and Jim Buffalo, not even you know, and Jimmy

taper à la machine. Les cerises sur sa quête. Joséphine attend, ça se termine. Elle s'habille qu'avec son tour de poitrine. Et tu chantes de l'hypercote. Elle pourrait poser dans les magazines. Et ouais, comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, tu règles les cours chez sa cousine Berthe. En s'enlèvant au cœur à l'auto pour aller danser le jazz. Pour aller danser le jazz. Et je changerai en servant chacun des prétendants. Je n'userai plus de charme mais de muscles uniquement. Je te prendrai de France version Alexandre le Grand. Je t'envahirai à mon talent d'usine femme chevauchant. Je serai toi ton empereur, ton conquérant. Pour le coup, 3-7-3-7, tous tes pervers. Pour aller danser le jazz. It's my love by the castle wall. Dream a dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Turn the old town. Dirty old town. Car are dying. Fight across the mud. Cards are poor. In the light of the bit. Spring the girl. Along the streets at night. Dirty old town, dirty old town. I heard a tear ran from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled a spring. My love by the Cotswold wall. Dream a dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town, dirty old town. dirty old town. Dirty old town. Voilà, c'est des morceaux comme ça qu'on aime bien réécouter avec beaucoup de plaisir. Donc des moments comme ça qu'on a mis, qu'on a rendu éternel grâce aux enregistrements. C'était dans l'émission numéro 188. Quand vous savez qu'on est à l'émission numéro 521 et que l'on fait une émission par semaine, eh ben ça remonte quand même assez long, assez loin. C'était donc une reprise des Pogues, Dirty Old Town, et c'était interprété par le groupe The Grape. D'ailleurs, j'ai rencontré un des membres et je pensais que c'était terminé. Non, The Grape va revenir. Donc, bon, on les recevra à nouveau avec beaucoup de plaisir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que franchement, c'est un groupe que j'apprécie énormément, aussi bien humainement que musicalement, en tout cas. Voilà, juste avant, c'était les Dirty Charlie que j'ai vu sur scène aussi dimanche dernier. Donc, c'était au son des blés. Le groupe Dirty Charlie, voilà, un groupe qui envoie. Il faut les voir sur scène. Hein. Ça bouge dans tous les sens et puis ça envoie du bois. Et puis, voilà, ils aiment bien jouer avec le public. Et donc, on écoute un morceau qui s'appelle Fourbe, qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage. Voilà. Et on avait commencé donc avec Léo qui interprétait Jimmy. Et c'était aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup d'enregistrements qui ont été faits. C'est des live Mavrika, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. On va se remettre en configuration live parce qu'on a plusieurs configurations. C'est ou alors on discute, ou alors ils vont jouer. Et dans ce cas-là, ben, on va faire nos petits réglages. On va retoucher à nouveau tous les petits réglages pour que ça fonctionne bien. Voilà, vous êtes en place ? Ouais. Ouais. Donc, faut pas que je me perde dans les boutons parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà, voilà, ça c'est bon. Le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu. Ça devrait. Pour enlever les boutons. Voilà, j'arrête la petite musique de fond. Voilà. Et puis, donc, vous allez interpréter encore deux morceaux à la suite ? Ouais. Vous êtes pour finir, ouais, parce que c'est vrai que le temps passe vite. Ouais. On arrive à la fin de l'émission, on avait encore plein de choses à se dire. Bah, finalement, oui. On n'a pas vu le temps passer une fois de plus. Donc, il va falloir que vous reveniez régulièrement. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Franchement, c'est un très bon moment. Et puis, donc, il y en aura d'autres. Hein. J'aime bien justement les gens qui viennent une première fois, qui disent oh c'est super, et on revient. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de l'émission Mavrika. Et nous, on est toujours là pour vous accueillir. Donc, les morceaux que vous allez interpréter sont lesquels ? Alors le premier, il va vous donner un peu faim. Surtout que, bon, il est largement l'heure de manger. Et alors, c'est une samba. Ou alors, ça va être indigeste. On ne sait pas. Donc, c'est une samba. Et c'est une samba un peu en l'honneur de ceux qui nous ramènent du poisson. Parce que les pêcheurs, il y en a de moins en moins. Il y a peut-être aussi un peu moins de poissons, mais voilà. Donc Claude a osé faire une samba, et une samba qui s'appelle Samba Taux de Pêche. Et puis après, parce que c'est ça, tu voulais qu'on annonce les deux. Et puis après, ouais. Quoi qu'il y aura peut-être un petit break, le temps de souffler, je ne sais pas dans l'eau. Et puis après, on jouera un titre qui s'appelle Le Blues des Amis. Voilà. En fait, je ne savais pas comment l'appeler, puis comme c'est un blues en mi, ben, je trouvais ça sympa de l'appeler le blues des amis. Et comme on est entre amis. Tout le monde. Voilà. Ouais. Heureusement que c'est pas le blues en beau. Le blues des amis. Oh, bah ben ouais. Alors, samba tout pêche. Allez, c'est parti. Un verre de vin, c'est ça qui est bon, qui fait du bien. Un peu de vinaigre ou du citron, et même nature, c'est super bon. C'est super bon, c'est super bon. Une araignée, un gros tourteau, accompagné d'une bonne maillot, je ne m'en lasserai pas de sitôt. Même si j'en fus dans mon maillot. Mon maillot, dans mon maillot, un beau bar pour ne pas mentir. C'est super bon à engloutir. Mais il y a le merlu qui m'attire. J'ai avoir du mal à choisir. comment choisir? Comment choisir? Mais tous les bois sont aussi bons, n'ont pas toujours le même nom. Non, non. Comment on fait pour s'y retrouver? Dans le panier, dans le vivier. Dans le vivier et le panier, il y a le merlu et le colin. C'est le lieu noir pour certains. Il y a le cabillaud et la morue. L'une est salée et l'autre crue. L'autre est tout cru. Et l'ustu cru, une bonne friture des perlans. Et quelques filets de merlan. Ce soc est bon, ce soc est grand. Allez, je me lâche et j'en reprends. On en reprend. On en reprend. Dites-moi comment on fait. Sans bateau de pêche pour déguster du poisson frais. Sans bateau de pêche, mais dites-moi comment on fait. Sans bateau de pêche pour déguster du poisson frais. Sans bateau de pêche. De pêche. Voilà. Très bien, jeu de mots. Vous aimez bien jouer avec les mots, en plus, la langue française. Donc, ouais, forcément, les gens, quand ils écoutent, eh ben, au début, ils disent, mais c'est quoi le. Ah ouais, samba, taux de pêche. Voilà, très bien. Voilà le jeu de mots. C'est la spécialité de Claude, ça. Hein. Ouais. Voilà, il nous en a dit deux ou trois hors antenne, mais on ne les répétera pas. À propos des mains courantes. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, on poursuit avec un autre morceau. Le blues des amis. Le blues des amis. Alors c'est un blues blues rythmé. Thank you. jusqu'à la dernière note. Voilà, en direct live. Alors, non seulement ils sont en live, mais ils sont en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe Duk, qu'on applaudit encore, hein. Je suis tout seul à applaudir, mais vous pouvez aussi applaudir de l'autre côté du... Voilà, il y a Irène aussi qui se manifeste. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Irène. Donc on va remercier Irène, on va remercier tous les gens qui sont intervenus aussi sur le Facebook. Hein, un petit j'aime comme ça nous fait toujours plaisir. Et puis il y en a même qui ont mis des petits messages. Joli programme Albino. Donc c'est le programme de l'émission Mavrica avec tous les morceaux qu'on a diffusés, des artistes qu'on aime beaucoup et qu'on continue de suivre. Donc il y a David, notre ami David McLean. Il y a aussi Antoine Gauthier. Je crois que vous le connaissez un petit peu. Oui, c'est Antoine qui est le guitariste. Le guitariste des Red Daff, voilà. Et puis donc il y en a plein d'autres. Alors je vois, moi ce que j'aime bien, c'est que on a des gens et puis la plupart, je regarde, sont tous plus ou moins, c'est tous pratiquement tous des musiciens, sauf quelques uns qui sont, sauf un, je vois, mais qui est photographe, qui est photographe, oui. Il s'appelle Dom, et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Il était là d'ailleurs la dernière fois avec nous. Ouais, il était là aussi, ouais. Et puis c'est lui qui suit pratiquement tous les événements au caisson et tout ça, donc c'est important. Et aussi, je crois qu'on va se voir très bientôt avec voilà. Et il fait des très belles photos et c'est des témoignages, ça, pour les générations futures. Les photos, c'est quelque chose de super. Même moi, les photos que j'ai prises, je les regarde avec beaucoup de plaisir. Alors j'imagine quand on regarde avec le regard d'un autre, c'est encore mieux. Voilà, puis il ne faut pas hésiter à aller mettre un j'aime aussi sur le Facebook de Duk, hein. Il suffit de taper D-O-U-C et on nous trouve sur Facebook, et puis on a aussi un site dukmusic.com, voilà, où on peut aller trouver aussi les dates et les lieux de nos prochains concerts. Voilà, ça c'est important. Duk musique hein, d'un seul coup. Ouais, Duk musique tout collé. Ouais, mais .com. Duk music, oui, en anglais. M-U-S-I-C. .com, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un petit j'aime justement, ouais, sur le Facebook aussi. Tout à fait. On était aussi pour les remerciements, donc on va remercier tous les gens qui sont intervenus, tous ceux qui nous ont écoutés, hein, parce que c'est pas parce qu'ils interviennent pas qu'ils n'écoutent pas. Moi, le premier, j'écoute beaucoup la radio, j'interviens très peu, sauf dans mon émission. Ouais. Dans mon émission, j'interviens. Déjà, si ça leur a fait du bien aux oreilles, c'est le principal. Voilà, c'est le principal. Et en plus, du live comme ça, c'est des morceaux que vous écoutez là, vous les écouterez jamais nulle part ailleurs, de la même manière. C'est vraiment du direct live. Hein. Ça a été brut, comme c'est sorti, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est le côté vivant, le côté humain qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et on va aussi remercier quelqu'un que je remercie tout le temps. C'est notre ami Florent qui lui enregistre les podcasts. Oui, c'est grâce à lui qu'on a les podcasts. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, donc on est au courant de toutes les émissions qui passent sur Radio Arc-en-Ciel. Si vous avez envie d'écouter chaque émission à sa couleur, donc si vous avez envie d'écouter la musique portugaise, la musique espagnole, la musique de plein de pays, hein, qui sont représentés, plein de sites différents aussi, et ben vous allez sur la page de Florent, la musique de Radio Arc-en-Ciel, et puis dedans il y a tous les liens. Et moi je partage ceux de l'émission Mavrica sur le Facebook, donc si vous y allez, vous trouverez toutes les autres émissions aussi. Donc il n'y a pas de souci et on le remercie pour le travail qu'il fait, parce que ça c'est formidable. C'est une chose de moins à faire ici, parce que moi avant je le faisais et là maintenant Florent le fait très bien, donc je m'appuie beaucoup sur lui et donc il fait partie un petit peu de mon équipe. Voilà, super. Je le remercie. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez vous installer, hein, vous remettre en position normale. Vous devez encore jouer un morceau? Ouais. on termine sur un morceau. On fait ça? Ouais. Si? Non, parce que... Donc on va un petit swing alors, c'est ça. On arrive à la fin de l'émission. Ce qu'on va faire, on va dire les phrases magiques. Donc que le rock'n'roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. Donc ça, c'est les phrases qu'on dit à chaque fois. Et puis ce qu'on va faire, on va dire au revoir aussi aux gens. Donc au revoir les auditeurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Reçu sur Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours très intéressant. Juste après, il y a RDP International. Donc si vous connaissez pas la langue portugaise, c'est peut-être l'occasion aussi de la découvrir. Donc restez avec nous. Et puis écoutez aussi les autres émissions. En ce qui nous concerne, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à partir de 19h pour une nouvelle émission de Mavrica. Ça sera la 522e. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, j'ai rien oublié. Donc voilà, et puis maintenant on va terminer avec un live. On va faire comme ça. Ouais. Soyons fous. Tagada swing. Merci beaucoup, Doug, merci. Et à très bientôt. À bientôt. Je crois qu'il y a un petit problème parce que là, il n'y a rien du tout d'amplifié. Il n'y a pas quelque chose qui a été débranché. Ou... parce que ni l'harmonica, ni quoi que ce soit. Donc, on y arrive. Hein, le son passe, mais bon, c'est pas comme tout à l'heure. Donc... ah, c'est ça, c'est ce qui me semblait que je m'entendais pas. Mais... ouais, on n'entendait pas la guitare et puis là, l'harmonica non plus. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a été débranché. L'harmonica Lewinsky. Bon, ce qu'on va faire, on va passer un petit morceau et puis on va essayer de tâcher de résoudre le problème. C'est pas un souci. Ah bah voilà, ça revient. Oh là, bah oui, maintenant c'est amplifié, oui. Non mais je après je règle, hein, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ah ouais, c'est mieux. Bravo. Allez, bonne nuit, à très bientôt. ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Finalmente, a anexação pela Rússia dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, que constitui mais uma violação grosseira do direito internacional e dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, lê-se no comunicado. O governo português considera esta anexação ilegal e nula, não lhe reconhece e nunca reconhecerá quaisquer efeitos políticos ou jurídicos. Portugal mantém o